Moi, j'ai de la peine, par exemple, parce que Gabriel Nadeau-Dubois, Nugent Hopkins, il sera pas à tout le monde qu'est-ce en parle. Faire? Je sais pas ce qu'il va faire là. C'est pas. Vous remarquerez quelque chose à tout le monde en parle. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est le juge qui a dit de pas y aller. Là. Ouais, c'est le juge Denis Jacques. Bravo, hein, garçon, d'ailleurs. Reste à la maison. D'ailleurs, garçon, on va te montrer comment ça marche. Les juges, là. Bravo au juge Denis Jacques qui est en train carrément de l'élever. Qui est en train de lui montrer à vivre. Je sais pas si quelqu'un l'a élevé, Gabriel Nadeau-Dubois, là. Mais il est en train de se faire montrer comment la société fonctionne un juge. Il agit en paradoxe. Il était temps. T'sais, on comprend là, que des gens autour de toi te voient comme Gandhi ou la résurrection de Jésus, là, mais voici la réalité, mon petit baveux, là. Puis Guillaume Lepage aussi, il se fait passer un petit message là-dedans, je trouve, moi, on the side. Lui, il voulait faire un procès. Hein. Parce que lui, il est au-dessus de la Cour du Québec. T'as la Cour du Québec, t'as la Cour supérieure, t'as la Cour d'appel, t'as la Cour suprême, et t'as Guillaume Lepage et Danny Turcotte au haut de l'échelle. La Cour du Québec. Le jugement dernier. Les jugements peuvent être contestés et tout le monde en parle. Tu comprends-tu? C'est le tribunal. Tu sais, des fois, souvent, les journalistes font des erreurs. Ils parlent de la Cour suprême comme étant la plus haute instance du pays. Tu sais, le tribunal, la plus haute instance. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Ils se corrigent pas. Faudrait qu'ils apprennent que la plus haute instance, c'est tout le monde en parle. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah sont venus chez nous samedi, puis ils me l'ont dit, là. Le 21 décembre 2012, à la fin du monde, là, c'est Guillaume Lepage qui décide où tu vas. C'est ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est lui à la porte. Ouais. Si Danny Turcotte te donne une carte, tu vas au paradis. C'est si il t'en donne pas, tu descends en bas. Puis moi, je vais plus jamais lire ça dans le journal que c'est la Cour suprême qui tranche de tout. Mais le juge Denis Jacques qui a un petit message là-dedans. J'espère que Guillaume Lepage est assez brillant pour le saisir. Je pense pas. Je pense qu'il est pas récupérable, tu penses? Je pense qu'il flotte loin au-dessus de tout ça. Ça l'atteint. Tu sais, quand tu t'embourgeoises. Hey, d'ailleurs, Fred Fauché ressemble à Guillaume Lepage avec des bras. Fin de la parenthèse. C'est parce que la prétention, ça commence léger. Hein. Puis il y a des gens que tu peux ramener sur Terre. T'sais, par exemple, un jeune humoriste qui veut impressionner à Montréal puis qui dit n'importe quoi pour avoir de l'attention, peut-être un moment donné qu'il va revenir sur le plancher des vaches. Ben, peut-être. Quand il va aller travailler, je sais pas, moi, dans un magasin de souliers, je sais pas, il va revenir sur la Terre. Là. Un blogueur qui se prend pour Batman, lui, il a rien à faire avec. Tu sais, il y a un certain niveau où quand tu te retrouves au-dessus des nuages dans ce que Harmonium appelait le septième ciel, là, rendu là, il n'y a plus rien à faire. Puis Guillaume Lepage flotte beaucoup trop haut au-dessus de la populace pour être ramené sur Terre. Ouais. Gabriel Nadeau-Dubois va peut-être nous surprendre dans 10 ans. On va le réchapper. Peut-être. Gabriel Nadeau-Dubois, un jour, devra payer hein, pour vivre. Là. T'sais, à un moment donné, la réalité attrape. Tu peux te sauver d'un appartement ou deux. Tu peux vivre dans le sous-sol chez papa-maman. Tu peux faire payer tes appels par du monde qui devrait pas payer ton appel. Mais à un moment donné, il va avoir de quoi payer. Il faudrait qu'il travaille. Il faudrait qu'il paye. Ben, il travaille pas à CSN, lui. Ouais, mais... Pas des contrats avec la CSN? Peut-être que la réalité va se présenter à la porte de Gabriel Nadeau-Dubois. Il est encore jeune. Mais d'ailleurs, c'est toujours un peu de réalité à chaque fois. Parce que là, aujourd'hui, il s'en va en cours. Hein. Faut pas l'oublier. Là, aujourd'hui, il s'en va devant le tribunal. C'est les représentations sur sentence aujourd'hui. Parce que lui, il est coupable, donc, de d'outrage au tribunal là, concernant l'injonction là, qui avait été accordée pour permettre à des étudiants d'avoir accès à leur cours. Là aujourd'hui, ce qui va se passer, tu vas avoir l'avocat de Jean-François Moras qui va plaider et tu vas avoir aussi l'avocat de Gabriel Nadeau-Dubois qui tous les deux vont plaider devant le juge Denis Jacques et qui vont expliquer leur vision de ça devrait être quoi la sentence. C'est pour ça le by the way qui va pas à tout le monde en base parce que la sentence n'est pas prononcée encore. Est-ce que ça peut être tranché sur le banc? Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ça va être quoi la sentence? Ça peut être prédélibéré puis une décision. Moi je pense que ça va être prédélibéré parce que là les avocats vont plaider, ils vont expliquer leurs arguments puis le juge d'après moi il va vouloir y penser un peu. Il va vouloir écrire un jugement aussi. Il va vouloir faire un jugement écrit. Puis ça prend toujours quelques semaines. Pour y donner une rince encore, probablement, un peu comme il a fait l'autre fois, là, dans le jugement sur le... Je peux me tromper, peut-être que le juge va dire, gars, ça dépend des juges. Il y a des juges qui rendent ça sur le banc, mais il y en a qui... M'a dit comme toi, ça se peut qu'ils prennent une couple de jours pour écrire de moi, quoi, je là. Moi, je pense, j'ai le feeling qu'il va prendre quelques jours pour écrire un jugement. Pour le stresser un peu, peut-être. Ça peut coûter cher, Avec ce qu'il a fait hier, là, quand le juge a décidé d'intervenir un peu dans les entrevues puis dans le monde du showbiz, il disait de parler, tout le monde en parle. Drôle quand t'es obligé d'appeler pour dire, c'est pas une bonne idée. C'est vrai que les juges aiment pas ça, puis tu nous rappelais un exemple bien précis ce matin, j'aimerais ça que tu le rappelles au monde, parce que c'est arrivé, puis ça nous est arrivé d'en face, effectivement. Là. Il y a un cas célèbre, c'est le cas de Robert Gillet. Robert Gillet, bon, c'est un cas que tout le monde connaît. Lui a été reconnu coupable sur un chef d'accusation. il avait été acquitté de deux autres. Mais lui, rappelez-vous, après le verdict, il avait fait des entrevues. La sentence n'était pas prononcée encore. Le pire moment pour faire des entrevues, c'est entre le verdict où t'es coupable et le prononcé de la sentence. Lui, il avait fait une entrevue avec Simon Durivage dans le trou. C'est-à-dire au moment où on dit non coupable deux chefs, coupable un chef. C'est ça. Puis avant qu'on lui dise va brasser de la sauce à spaghetti. C'est ça. Il a donné une entrevue. Il y avait un trou de 3-4 mois là-dedans. Okay. OK. Entre le coupable et le prononcé de la sentence. Ouais. Il a fait une entrevue à Simon Durivage. Il avait parlé aux journalistes d'un corridor. Où il disait qu'il comprenait pas le verdict. Et le juge l'avait ramassé. Le juge Fraser Martin, il avait passé un savon là. Au moment du prononcé de la sentence, il avait passé un savon et il l'avait condamné à la prison avec sursis. Ok. Les autres clients du réseau de prostitution juvénile, ils n'avaient pas eu ça là. Vous allez me dire, ouais, finalement, il a juste fait du pain à la viande. Parfait, pensez-en ce que vous voulez. Ça n'avait pas été une grosse sentence non plus, mais il avait payé un peu plus que les autres. En raison de ça. À cause des entrevues qu'il avait faites. Moi, hier, je te le disais, là, j'étais convaincu que Gabriel Nadeau-Dubois allait se mettre dans le trouble. En allant, tout le monde en parle en fin de semaine. Les juges, ils détestent ça. Mm-hmm. Ils ont reconnu quelqu'un coupable. Là, ils pensent à la sentence. S'il y a un clown là, qui s'en va comme qui s'en va faire des commentaires en ondes, on a dit « Je comprends pas, puis je suis pas coupable, puis j'aurais pas dû. » C'est pas le temps d'aller faire le smat. Hein. Fait qu'hier, il a un peu rendu service, le juge, à Nadeau, Dubois, Frula Hébert, à Nadeau, Tocqueville. Quasiment dommage. Nadeau, Tocqueville. Il est 8h39 à Radio.